Check. Entendu ce que j'ai dit? Vous les butez, vous vous tirez à toute vitesse pour qu'on s'arrache. Vous êtes connu, moi je bouge pas d'ici, je vous attends. Mais alors, négro, faut assurer maintenant, t'es prêt? 2010. T'es prêt ou pas, forcé de mettre? On sort pas les stylos, mec. On s'appelle le stylo Mike. Si on fait 100 km, c'est pour pouvoir les kilos, Mike. Dès qu'il en se moque, car on n'est pas dans ce biz. On joue pas les hot fils, seul le rap est notre fils. Comment mon rap est irrécupérable? Si ça les rend malades, tant mieux, en plus c'est incurable. Depuis un séputeur, toujours le même schéma. Si chez toi ça pique, dis-toi que c'est la même chez moi. Le fou MC se croit artiste et rap comme un tocariste. J'ai la niaque et l'arme hisse, le drapeau de ma team. Serait temps que tu t'alarmes, et suive tes larmes, on paie là. Fouteur de vacarme, tu veux le faire taire et t'as pas l'arme, clique pas. Tant que je serai là, ce but je parle, j'ai la vache. MC, ma mère a mis au monde OP pour te stopper. De pique, ramasse que dis ou de quoi te doper tant que je serai là. Ce pis je parle, j'ai la vache. MC, ma mère a mis au monde OP pour te stopper. Pour te pique, ramasse que dis ou de quoi te doper. Toi, tu passes ton temps à pisser dans un violon. T'es trop pissé par violent, tu peux finir au volant. T'as oublié, bah pas moi, et je sais pourquoi je suis là. Ma tête est dure comme le fer, et à faire, j'ai pas chez là. Motivation identique ailleurs, l'odeur de la bavure est identique ailleurs. Moi toujours à gailleur, toujours au pied, la dopé. J'attends l'OD comme ODP, mais au dopé. Ouais, mais moi, ma plume, j'apprête pas, c'est mon outil principal. En un coup, touche, te couche, car elle a pas si bas. Tant pas si dénigré, pas tes mecs si louches. Pourquoi à présent c'est sur elle que c'est MC louche? Putain, c'est par litre que l'encre a coulé. Ça a scène, moi j'ai un pitre, t'as compte un poulet. La bière est dans la poche, mais je pense pas sans paniquer. La tête est sur la table, personne ne part sans la kicker. Tant que je serai là. Ce biche parle chez la vache. MC, ma mère a mis au monde OP pour te stopper. Pour te pique, ramasse que dis ou de quoi te doper tant que je serai là. Ce biche parle chez la vache. MC, ma mère a mis au monde OP pour te stopper. Pour te pique, ramasse que dis ou de quoi te doper. J'ai choisi le cahier braillé pour pas finir empaillé. Je suis l'arabe, les cahiers chauffent quand t'as rien de pésillé. Le climat est froid, comme les cœurs, il faut tout baiser. Se crier des couilles, on se les taille pour la vie aisée. Ouais, mais tout n'est pas Sisyphus. Représentant d'une jeunesse au bord du précipice. A chaque nouvelle, on est dans les guerres, tout d'artifice. Et dans leur cible que les poulets ils s'y pissent. Du rouge mélangé au jour du pastis. L'instant favori des flics en salle de repos. Le spet, le crâne, entre deux pots. Joue même à spet des bastos. J'avoue, moi je les baisse tous. Devant les yeux, faut qu'on soit plus que tous. Car c'est toujours sur les mêmes que leur bouche qu'à tous. J'arrive pas à fermer ma gueule. Le silence sera tort quand je serai mort. Moi, fermer ma gueule. Tant que je serai là. Ce biche parle chez la vache. MC, ma mère a mis au monde OP pour te stopper. Pour te pique, ramasse que dis ou de quoi te doper tant que je serai là. Ce biche parle chez la vache. MC, ma mère a mis au monde OP pour te stopper. Pour te pique, ramasse que dis ou de quoi te doper.